Donc, c'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien et lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc la science de la religion, bien sûr, on a commencé, ça s'apprend par transmission orale. Et donc c'est pas donc, en lisant tout seul. Donc vous êtes, c'était dans ce chapitre-là, quoi. Donc l'explication de la ma'iyya de Allah citée dans le Coran. Donc comme vous, on l'a déjà vu, c'est il y a dans le Coran des ayats explicites, des ayats non explicites. Il y a ce qu'on appelle le sens figuré dont, en arabe ou en français aussi, il y a du sens figuré. Donc bien sûr, selon le contexte, on retient le sens qui correspond au contexte. Quand ça parle au sujet de Dieu, bien sûr, il faut que ce soit digne de Dieu. Donc par exemple là, la signification de sa parole ta'ala wa huwa ma'akum ayna ma kuntum, c'est-à-dire c'est le fait qu'il sache tout par sa science, c'est-à-dire où que vous soyez, donc Allah il sait tout de vous. Il y a d'autres versets qui ont ce sens là comme wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, c'est-à-dire Allah sait de la personne plus qu'elle-même. Donc ici, ça ne veut pas dire que où que tu sois, Allah est avec toi, donc ça n'est pas son être. Donc Al-Ma'iyya vient également dans le sens du soutien et du don de la victoire. Comme dans sa parole ta'ala, Inna Allah ma'al ladhina taqaw. C'est-à-dire Allah donne la victoire à ceux qui le craignent, ceux qui accomplissent le devoir, ils font preuve de piété. Donc ce qui est visé ici n'est ni l'incarnation ni le contact. Celui qui croit cela devient mécréant, car il est subhanahu wa ta'ala exempt du contact de la séparation par une distance. Donc la croyance musulmane, Dieu est exempt de tout ce qui les attribue des créatures, de la forme, de la quantité, de la localisation, et tout ce qui les attribue des créatures, Dieu est exempt de cela. C'est Dieu qui a créé l'espace, le temps, les formes, Dieu le créateur des corps et des caractéristiques des corps, il n'est pas concerné par cela. Donc c'est la croyance donc conforme au Coran, à la parole laïsa kamithli shay, qui signifie rien n'est tel que lui, et conforme à la raison saine. Donc par conséquent, on ne dit ni qu'il est en contact avec ce monde ni qu'il en est séparé par la distance, car ces deux choses sont des caractéristiques des substances. Et une substance, c'est ce qui accepte ces deux caractéristiques. Allah Azza wa Jal n'est pas un être dont l'existence a un début. Allah a réfuté cela de lui-même par sa parole, Laysa kamithli shay, qui signifie rien n'est tel que. Donc tout ce qui est des attributs des créatures, contact, séparation, Dieu est exempt de cela. Donc on ne dit pas que Dieu est don à l'extérieur, en contact, en séparation, car c'est les attributs des créatures. Et on rappelle la règle qu'il a donnée Sayyidina Abu Bakr, al-Siddiq, qui est cité dans le Coran, que le croyant, c'est celui qui reconnaît qu'il est incapable d'atteindre la réalité de Dieu. Comme il a dit Sayyidina Abu Bakr, al-'ajzu 'an darak al-idrak idrak wal-bahth 'an dhati kufr wa ishrak, c'est-à-dire reconnaître son incapacité à atteindre la réalité de Dieu est une connaissance, et chercher à connaître sa réalité mène à la mécréance. Donc le croyant, c'est celui qui reconnaît qu'il est incapable d'atteindre la réalité de Dieu. Et on connaît Dieu par ses attributs, par le fait de l'exempter de ce qui n'est pas digne de lui. Donc, l'exempter de ce qui n'est pas digne de lui, la fatigue, la faiblesse, le contact, la séparation, etc. Dieu est exempt de tout cela. Dieu, rien n'est tel que lui. Donc, la preuve dans la religion, c'est dans le Coran, le Hadith, la raison saine, aussi est une preuve. Ce n'est pas de simples écrits ou des médias, parce qu'il y en a qui tombent dans le piège. Ah oui, j'ai vu sur Google ceci, ou j'ai vu plein de livres comme ça. Ça, c'est pas du tout une preuve. Parce que les livres, même le livre de mes créances, les gens, ils l'impriment à des millions d'exemplaires, c'est avec la technologie. Donc, sur Internet, Donc pareil, Google, tu payes, tu peux être en première position. Il y a des techniques de manipulation aussi, tu peux être en première position ou si tu es pistonné par Google, ils peuvent te mettre en première position, tout simplement. C'est pas une preuve. Donc il y en a, malheureusement, ils ont un niveau bas de compréhension. Donc ils arrivent à croire que la preuve c'est parce que j'ai vu des pages sur internet ou j'ai vu des livres écrits, c'est pas une preuve ça. Donc la preuve c'est selon le Coran, on a donné laïsa kamithli shay, qui signifie rien n'est tel que lui, selon le hadith. Donc comme le prophète a dit, c'est-à-dire Dieu existe de toute éternité, rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Et la raison. Donc si quelqu'un dit donnez-moi une preuve que la raison est prise en compte, on dit la aya wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Donc sourate al-Mulk, ils ont dit si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. Parce que les gens égarés qui font ressembler Dieu à ses créatures, ils veulent refuter la raison. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si les gens utilisent la raison, ils vont voir que leur croyance est fausse. Donc à tout prix, ils veulent que les gens n'utilisent pas la raison. Et cette aïe, si tu leur cites cette aïe, ils se bloquent. Donc, parce que certains, donc, ils vont essayer de jouer. Par exemple, il y a quelqu'un, on lui a cité la aïe juste avant, là, qui est la aïe. Inna fi khalq as-samawati wal-ardi wa ikhtilaf al-layli wan-nahar la-ayatin lil-albab. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans le changement du jour et de la nuit, il y a des preuves pour ceux qui sont dotés de raison. Il a dit bêtement, ça c'est pour avancer, pour la technologie. Donc tout de suite après, on lui a dit la-aya, qui signifie, ils ont dit, les gens en enfer, si nous avions écouté et raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. Sur ça, il n'a pas trouvé de réponse. Donc, c'est sûr, la croyance de vérité est conforme à la raison. Et c'est comme ça qu'on peut défendre l'islam. Comment tu montres aux autres religions que l'islam est la seule vraie religion? C'est pas en lui citant une aïe, c'est en lui donnant la preuve sur la raison. L'islam est la seule religion conforme à la raison. C'est pour ça que c'est la seule religion valable. La seule religion qui dit que Dieu il est exempt des limites, des formes, des quantités, des localisations, n'a pas besoin de ses créatures. Car selon la raison, tout ce qui a une forme, une quantité, une localisation a besoin de qui lui donner cette forme, cette quantité. Celui qui a besoin ne peut pas être Dieu. Et ça montre que l'islam est la seule vraie religion. Donc selon ces gens égarés, qui nient le fait d'utiliser la raison, pour eux, il n'y a aucune preuve pour montrer que l'islam est vrai. C'est ça que ça veut dire. Pour eux, il n'y a pas de preuve pour montrer que l'islam est vrai. Parce que quelqu'un qui est mécréant, d'origine, c'est à l'origine, il ne croit pas au Coran et au Hadith. Comment tu vas lui prouver que l'islam est vrai, si ce n'est qu'avec la raison? C'est avec la raison. Puis d'ailleurs, dans l'islam, quand t'es fou, tu ne rends pas des comptes. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la raison est prise en compte, tout simplement. Si quelqu'un il est fou depuis qu'il est petit, il reste fou, il ne rend pas des comptes. Donc voilà les preuves à connaître, importantes. Et aussi une autre chose que citent les égarés. Donc il y a des gens malheureusement, à certains âges, ils ont un esprit donc vraiment stupide. Ce qu'on a vu l'autre fois qui est important de revoir et de mémoriser, c'est que on a vu que le jugement selon la raison. Donc tout le monde a assisté à l'explication du jugement selon la raison. Donc ils divisent en combien le jugement selon la raison? 3. Il y a ce qui est impossible, ce qui est possible, ce qui est obligatoire. Ce qui est obligatoire, donc c'est ce qui n'admet pas la négation obligatoire. Comme la moitié de 2 c'est 1. Hein? La moitié de 2 c'est 1. La partie c'est plus petit que le tout. Ce monde il a un créateur, c'est obligatoire. Parce que ce monde admet le fait d'exister, de ne pas exister, d'être d'avoir telle caractéristique ou autre, forcément, s'il existe, il a besoin de qui l'a spécifié par le fait d'exister ou de ne pas exister. C'est Dieu. Le soleil, il aurait pu ne pas exister, il aurait pu être plus grand, plus petit, ou il aurait pu en avoir plusieurs soleils, ou il aurait pu se lever de l'autre côté. Donc il admet plusieurs possibilités rationnelles, donc il a besoin de qui l'a spécifié par ses possibilités au lieu d'autres possibilités qui sont équivalentes du point de vue de la raison. Ce qui est impossible, c'est ce qui n'admet pas l'existence. C'est impossible la réunion de deux choses opposées. Un objet ne peut pas être en mouvement immobile à la fois. Parce que la réunion de deux choses opposées, c'est de l'absurde. Donc on ne peut pas être mort et vivant à la fois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'impossible selon la raison. Tout ce qui n'est pas digne de Dieu est impossible selon la raison. La forme, le fils, la localisation, la quantité, la faiblesse est impossible selon la raison. C'est le son de Dieu. Le possible, c'est ce que les créatures qui admettent d'exister, de ne pas exister, d'être plus grand, de plus petit, etc., d'être dans une époque ou une autre. Donc, l'obligatoire n'admet pas le néant. Et l'impossible n'admet pas l'existence. Donc de là, on a dit, il n'est pas valable que l'impossible soit concerné par la puissance de Dieu. Il n'est pas valable que l'impossible soit concerné par la puissance de Dieu, parce que par sa puissance, Dieu fait exister et néantit. Or, l'impossible n'admet pas le fait d'exister. Donc, il n'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu, parce que s'il était concerné, il ne serait pas impossible. Il serait possible. Ça serait inverser la réalité de l'impossible. Donc, cet argumentaire, c'est important de le retenir, parce que les gens qui assignent Dieu à ces créatures, ils tombent loin dans la bêtise, comme leur référence qui s'appelle Ibn Taymiyyah. Il a dit plein d'absurdités, parmi lesquelles il a dit Dieu peut être sur l'aile d'une moustique. Et eux, les Wahhabites, ils disent la même chose. Maintenant, ils te disent, ah ben Dieu est tout puissant, il peut être dans quelque part, il peut se déplacer. Je lui dis, donc à cet homme-là, stupide, comme les autres, je dis, donc si selon toi, celui qui adore les vaches, il va te dire, Dieu peut être une vache. Il s'est bloqué, il n'a pas trouvé que. Je dis, t'es tombé dans ton piège, dans ta stupidité. Je dis, alors que les sunnites, ils disent, l'impossible n'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu. Parce que l'impossible n'admet pas le fait d'exister. S'il était concerné par la puissance, il ne serait pas impossible. Ce serait inverser la réalité de la chose. Donc vous voyez l'importance. Donc que ce soit un wahhabite ou quelqu'un qui adore des vaches ou un athée, ils peuvent te donner la même stupidité. L'athée peut te dire, tu dis Dieu puissant, il peut s'anéantir. Le chrétien il peut te dire, Dieu, tu dis que tu es tout puissant, donc il peut avoir un fils. Le wahhabite il peut te dire, tu dis Dieu tout puissant, il peut habiter le ciel. Le bouddhiste, il va dire, tu dis que Dieu est tout-puissant, il peut être une mouche, une statue, une vache, un rat. En Inde, il y a 300 religions, il y en a qui adorent des rats, il y en a, etc., etc. Donc vous voyez, cet argumentaire, tu as besoin pour toutes les autres religions presque, pour répliquer. Donc vous voyez l'importance d'apprendre ces... Et les gens qui font le doctorat, ils ne connaissent pas ces preuves-là. Alors qu'avant, ils enseignaient, à 7 ans, ils enseignaient ça dans les grandes mosquées musulmanes. Ce qui fait... Aucun ne peut te perturber. Aucune religion, même s'ils sont milliards de toutes les religions devant toi, ils ne peuvent pas te perturber de la vérité. Donc vous voyez l'importance de la science. Donc en peu de temps, tu apprends un argumentaire, tu peux te défendre contre la secte wahhabite, contre bouddhiste ou les autres religions, etc. Donc maintenant, ils disent presque comme les chrétiens, les wahhabites. Il te dit, Dieu peut se déplacer, il est tout puissant. Donc vous voyez le piège de... Donc, je lui dis, je lui ai donné les preuves parce que quelqu'un de stupide, il a besoin, comme Saïdna, le prophète Saïdna Ibrahim, il a vu que le roi, il était stupide, il lui a donné une autre preuve. Il n'a pas, quand on lui a dit, c'est qui ton Dieu? Il lui a dit, mon Dieu, c'est lui qui donne la vie et la mort. Il était stupide pour comprendre. Il a dit, moi aussi, ramener de prisonniers. Celui-là, je libère, j'ai donné la vie, celui-là, exécution. Saïd Ibrahim, il n'a pas continué à argumenter parce que l'argumentaire nécessite une intelligence et une force d'analyse. Il lui a donné une preuve beaucoup plus facile à comprendre pour quelqu'un qui a un bon niveau de réflexion. Il lui a dit, Dieu fait que le soleil vienne à l'est. Toi, tu ne peux pas faire l'inverse. Donc c'est pour ça, celui-là, j'ai dit en fait, directement, avant d'analyser, j'ai dit, bah si, qui adore les vaches, il vient te dire, tu dis Dieu est tout puissant, donc il peut être une vache. Là, il s'est bloqué. Quand il s'est bloqué, je lui ai donné l'argumentaire, mais il n'était pas assez intelligent pour comprendre l'argumentaire. J'ai dit, parce que les sunnites, ils disent que l'impossible, il n'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu, parce que l'impossible n'admet pas l'existence. C'est pas pour une faiblesse dans la puissance de Dieu. C'est parce que l'impossible n'admet pas le fait d'exister. Donc vous voyez la nuance. Ils ont dit, nous, notre puissance ne concerne pas le fait de faire exister les choses, parce que c'est une faiblesse dans notre puissance, parce qu'on est incapable. C'est pas parce que la chose n'admet pas l'existence. C'est parce que nous, on est faibles. Mais l'impossible n'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu. C'est pas pour une faiblesse dans la puissance de Dieu, c'est parce que l'impossible n'admet pas le fait d'exister. C'est de l'absurde, c'est de l'impossible. Donc réviser ça, ça permet de bien cerner la chose. Parce que la chose, elle est facile, mais quelqu'un qui est un peu habitué, donc des fois, il ne cerne pas donc vraiment comme il faut le sujet, l'argumentaire. L'impossible, c'est de l'absurde, ça ne peut pas exister. Un objet, il ne peut pas être au mouvement et pas au mouvement en même temps, c'est de l'absurde. Il ne peut pas être vivant et pas vivant en même temps, c'est de l'absurde. Donc il n'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu, tout simplement. Donc, le fait de s'anéantir est impossible s'agissant de Dieu. Parce qu'on a vu l'épreuve, l'existence de Dieu est obligatoire selon la raison. Le fait d'avoir un associé, c'est impossible. Il y a l'argumentaire aussi qui va avec. Donc, si quelqu'un vient, pareil, un autre mécréant, il va dire, bah, tu dis que Dieu est tout puissant, il peut créer un associé. Tu vois, c'est de l'absurdité déjà. Quelqu'un qui est créé, déjà, il a un début. Donc, c'est une créature, il ne peut pas être Dieu. Donc, lui, il dit créer, qu'il est créé et qu'il est Dieu en même temps. Donc, il y a de l'absurdité déjà dedans. Donc, vous voyez la force des gens sunnites dans la science donc enseigné par les savants. Et les mécréants, ils veulent empêcher les gens d'apprendre. C'est pour ça que dans les colonisations, ils ont empêché les gens d'apprendre. Parce qu'on t'apprend pas, ben, on peut te manipuler comme on veut. Comme il m'a dit, ah, Google, il te dit tout. Donc on l'a manipulé, ça y est. Et il est arrivé à dire, ah, Google, il te dit tout. Mais Google, c'est même pas une personne déjà. Donc il est tombé, il dit, moi je travaille dans l'informatique, donc tu comprends rien déjà. Donc ça y est, t'es manipulé loin. Donc vous voyez la stupidité et l'importance d'apprendre ces arguments. Donc ça te permet, vous voyez, ça prend même pas un quart d'heure à comprendre. Ça te permet de ne pas tomber dans le piège. Il y avait quelqu'un très connu, je pense que tout le monde le connaît ici, il faisait des débats avec des chrétiens, bah, il est tombé dans le piège parce qu'il n'a pas appris. Tu peux être connu, avoir plusieurs doctorats, manier la langue, tout ça, mais tu n'as pas les bases. Donc, il lui a dit, bah, tu dis que Dieu Tout-Puissant, le prêtre, lui a dit, bah, il peut avoir un fils. L'autre, bah, il a dit oui. Et c'est de la mécréance, bien sûr. Même quelqu'un qui n'a pas appris, bah, normalement, il dit, bah, Dieu n'a pas de fils. Il s'arrête à là. Je ne discute pas avec toi, Dieu n'a pas de fils. Il est unique, n'a pas d'associé, je ne fais pas plus loin. Même s'il n'a pas appris. Mais ces gens-là, souvent, ils arrivent à un certain niveau, Shaitan dit non, mais devant les gens, il le dit clairement, il dit non, mais devant les gens, il faut que je parle. Il faut toujours que j'ai des mots à dire. Je ne me tais pas. Alors que l'intelligent, il dit, le prophète, celui celui qui prend Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou il se taise. Et celui qui a appris, il y a l'argument. Donc, comment l'expliquer? Donc, l'obligatoire n'admet pas le néant et l'impossible n'admet pas le fait d'exister. Donc, l'obligatoire n'est pas concerné par la puissance de Dieu. Donc, on ne dit pas que Dieu peut s'anéantir lui-même. On dit il faut donner l'argumentaire. L'anéantissement est impossible s'agissant de Dieu. Donc, l'impossible n'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu. Est-ce que c'est clair? Donc c'est important, on le répète pour que ça soit mémorisé, parce que dans le Coran, c'est dit kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, c'est-à-dire vous êtes les meilleures communautés, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. C'est un devoir, c'est le meilleur djihad, c'est tu comprends la religion, tu transmets. Parce que le but, la fonction des prophètes, c'est propager le bien. Et le meilleur bien, c'est croire en Dieu. C'est la clé du paradis, de toute façon. Quand il y a des milliards et tout ça, ça ne va pas te rentrer au paradis, les milliards. Et tu vois, il y en a, ils ont un milliard, ils meurent avant de finir à en profiter. Parce que même si tu as des milliards, tu ne peux pas manger plus que ton ventre. Tu as des milliards, des châteaux, tu ne peux pas dormir plus que la taille de ton corps. Quelqu'un qui a un château, il va prendre la même taille qu'un presque un pauvre. Quoi. C'est à peu près pareil, à quelques centimètres près de taille. Il ne va pas dormir sur tout le château, tous les lits, il ne peut pas. Même s'il a des milliards, il ne peut pas dormir sur toutes les milliards qu'il a. Donc, donc ça nous montre que le bas monde, le plaisir est éphémère. Et donc, cet argumentaire, c'est important de le retenir parce que ils vont dire, ah Dieu, il peut être dans les ciels. C'est la même chose, on dit celui, le fait d'être localisé, quantifié, celui qui est localisé, quantifié, il a besoin de qui l'a spécifié par cette quantité, cette localisation. Et celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Donc c'est impossible s'agissant au sujet de Dieu, la localisation, la quantification. Celui qui est l'impossible n'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu. Tout simplement. Donc vous voyez, même les savants, ils ont donné la preuve pour montrer l'argumentation. Ils ont dit par exemple, le mur, on ne dit pas il est stupide ou intelligent. On ne dit pas, il faut argumenter. On dit le mur, il n'est pas vivant, il n'est pas concerné par donc, le fait d'être stupide ou intelligent. Donc vous voyez. Donc voilà ces points importants de la religion. Donc c'est des points importants, puis c'est Dieu guide qui veut et guère qui veut, bien sûr. De même, donc on ne dit pas, que Allah est grand par la taille, ni petit, ni long, ni court, car il n'a aucune ressemblance avec ce qui entre en existence. Il est un devoir de chasser toute idée passant par l'esprit qui amènerait à quantifier Allah Ta'ala ou à le limiter. Comme nous ont dit les savants, مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك, c'est-à-dire quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Les mécréants des fils d'Israël ont attribué à Allah Ta'ala la fatigue. Ils ont dit qu'après avoir créé les cieux et la terre, ils se seraient reposés en se couchant sur son dos. Leur parole est de la mécréance. Allah est exempt de cela, tout comme il est exempt des émotions telles que la sensibilité à la fatigue, aux douleurs et au plaisir. Celui à qui ces états adviennent est obligatoirement un être qui reçoit l'existence, une créature à qui advient le changement et se cite impossible concernant Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Ce qui signifie, et nous avons créé les cieux et la terre, ce qui se trouve entre eux, dont 6 jours, et nous n'avons pas été atteints de fatigue. Donc ici, bien sûr, donc c'est une réplique à ces mécréants-là qui disaient que Dieu se repose. Donc, ceci est impossible s'agissant de Dieu. Et bien sûr, nous ici, c'est pour la glorification de Dieu. Dieu, il est unique, mais quand il est employé le terme pluriel en arabe, inna nahnu nuhyi wa numit, c'est pour glorifier Dieu, en fait, tout simplement, pour la glorification. Et c'est utilisé dans la langue arabe, bien sûr. Donc ne se fatigue que celui qui utilise des organes, et Allah subhanahu wa ta'ala est utilisant des organes. De toute façon, la fatigue est une créature de Dieu, une sensation de fatigue. Les anges, ils mangent pas, ils dorment pas, ils se fatiguent pas, ils dorment pas. Ils toujours font l'adoration de Dieu, parce que Dieu n'a pas créé la fatigue en nous. Donc c'est le sentiment que Dieu crée. La fatigue, tout simplement. Le sommeil, la fatigue, tout ça, c'est, tout est créé par Dieu. Donc Allah Ta'ala dit Inna Allah huwa as-sami'u al-basir. Inna Allah huwa as-sami'u al-basir. Ce qui signifie certes, Allah est celui qui entend et qui voit. Ainsi, Allah Ta'ala entend tout, tout, il voit tout, sans comment, lui, il a vu son deux attributs éternels, son début, sans organes, c'est-à-dire sans oreilles ni œil, sans conditions de proximité, d'éloignement ou de direction, sans propagation de rayons lumineux ou de vibrations d'air. Tout ça est créé par Dieu, Dieu est exempt de tout cela. Donc c'est ça, croire en l'unicité de Dieu. C'est vraiment ça, l'unicité de Dieu, c'est exempter Dieu de toute ressemblance aux créatures, comme on dit les savants tels que Julayd al-Baghdadi et autres. Donc si quelqu'un dit que Allah a une oreille, il devient mécréant, même s'il dit qu'il a une oreille pas comme nos oreilles. Parce que l'oreille implique le corps, la quantification. Ce n'est pas le cas de celui qui dit qu'il a un aïn, pas comme nous, nos yeux, un yed pas comme nos mains. C'est-à-dire qu'il garde le terme en arabe, parce que le terme en arabe, il admet plusieurs sens. Donc lui, quand il dit pas comme nous, yeux, il nie tous les mauvais sens. D'accord ? Il admet plusieurs sens, le terme en arabe. Comme aïn, c'est pas pareil que le français. On dit l'aïn, la source. On dit aïnou, attacharsu aïnou, c'est-à-dire lui-même. Donc, alors qu'en français, on dit pas j'ai bu de l'œil. Donc les mots, c'est pas pareil. Donc le mot aïn, il a plusieurs sens. Si toutefois il le dit dans le sens de l'attribut, en effet, ceci est permis en raison de l'emploi du mot aïn et yad dans le Coran concernant Allah Ta'ala. En revanche, le mot odhun n'y figure pas concernant Allah. Donc le mot yad des aïn, c'est employé, c'est le sens de Dieu, mais qui ont un sens digne de Dieu. Mais le mot odhun n'est pas employé. Donc on cite ce qui est employé. C'est pas on dit j'ai vu œil au sujet de Dieu dans le Coran. Non. Le Coran c'est en arabe. Bilisan en arabi en mubin. Donc il faut garder les termes en arabe. C'est ce que, parce que c'est le terme qui a été révélé. Mais le mot œil, main, ça n'a pas été révélé. C'est ça en fait. C'est le terme qui a été révélé au prophète. Et comment il lui a été révélé? En langue arabe. Donc si on garde le terme révélé, istawa, yad, da'id, en croyant qu'ils ont un sens digne de Dieu, il n'y a aucun problème. Mais c'est stupide de dire, ah oui, j'ai vu dans le Coran s'établi sur le trône ou main. Ou... Sinon, ça n'a pas été révélé, s'établi. Ça a été révélé istawa. Istawa, il a le sens de dominer, de maintenir en existence, plein de sens. Et c'est logique qu'on ne prend pas le sens qui n'est pas digne de Dieu, c'est normal. Donc, est-ce que c'est clair? Voilà, comme ça le chapitre est fini. Comme ça, on va faire le marre. Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a un point qu'on... Donc, ça, c'est la, voilà, qu'on dit la voix sunnite, la voix du prophète, pour la voix des quatre écoles, qu'on dit aussi la voix ash'arite. D'accord? Abu al-Hassan ash'ari, c'est un savant, en fait. Comme on dit fiqh malikite. Quand on dit fiqh malikite, ça ne veut pas dire Malik il a inventé un fiqh. Ça veut dire la manière d'explication des hadiths de l'imam Malik, des ayats. Fiqh, la croyance ash'arite, c'est la croyance sunnite. Maturidite, c'est presque la même chose. C'est ceux, les grands savants qui ont expliqué, détaillé, argumenté, en fait, formalisé la croyance avec des preuves, des textes écrits, en fait. Avec les preuves. C'était formalisé par ces savants-là. En fait. Sinon, c'était enseigné, c'est l'enseignement du prophète, alayhi salatu wassalam. Est-ce que c'est clair? Bien sûr, celui qui fait ressembler Dieu à ses créatures, il est mécréant. Il ne peut pas être croyant parce que le fait d'assimiler Dieu à ses créatures, c'est qu'il n'adore pas Dieu. Parce que Dieu... Donc par définition, c'est le créateur de l'univers, c'est celui qui a créé l'univers qui ne ressemble pas à ses créatures. Donc s'il adore quelque chose qui ressemble aux créatures, il n'adore pas Dieu en fait. Donc il est mécréant, logiquement il est mécréant. D'accord? Donc c'est faux de dire, certains, ils jouent sur les termes, ils disent ah non, il y a des savants, ils divergent sur ça. Il n'y a pas de divergence. La divergence sur ce qui est conforme à la raison, diverger sur ça, c'est réfutable. C'est réfutable. Si quelqu'un dit, ah, il y a une divergence que Dieu a un fils, c'est pas acceptable. Selon la raison, c'est impossible, le fils. Et donc, celui qui dit, il y a une divergence sur le fait de déclarer mécréant, celui qui fait ressembler Dieu à ses créatures, c'est réfutable. C'est pas un livre qui va changer les preuves selon la raison. Alors, il dit, ah, dans tel livre ou tel savon, c'est réfuté, ça. Donc, faut pas tomber, il y a des gens qui jouent sur ça aussi. Celui qui attribue à Dieu la ressemblance aux créatures, il adore quelque chose qu'il a imaginé. Il adore une créature, donc il adore pas Dieu, il est mécréant. N'importe qui dit le contraire, c'est réfuté. Il y en a qui peuvent prétendre mentir sur un savant, dans tous les cas, c'est réfuté. Que celui qui rapporte, il a menti, ou il a rapporté de quelqu'un qui l'a dit, qu'il est réfuté, bah, ça ne change pas la vérité. La réputation de quelqu'un, ça ne change pas la vérité. Comme il a dit, quatrième calife, « Laïs al-haq yarahu bil-rijali, walakin al-rijali yarafuna bil-haq » C'est-à-dire, ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes. La preuve, ce n'est pas X ou Y, connu ou pas connu. C'est, est-ce que c'est conforme aux preuves ou non. Faire ressembler Dieu à ses créatures est une mécréance claire. Il n'y a pas d'excuse, quoi que la personne fût ignorante, il n'y a pas d'excuse. Parce que pourquoi il n'y a pas d'excuse là-dessus? Parce que, avec la raison toute seule, on sait que Dieu ne ressent pas ses créatures. Il n'y a pas d'excuse. Même s'il n'a jamais entendu, bah, sa croyance n'était pas valable, il doit se convertir tout simplement. C'est ce qu'il dit des savants. S'il a cru que Dieu, par ignorance, que Dieu ressemble aux créatures, bah, il n'était pas sur l'islam, il doit se convertir tout simplement. Il n'a pas été confirmé pour lui la foi, tout simplement. Il doit vraiment se mettre dans la foi en prononçant les deux témoignages, tout simplement. Donc l'ignorance n'est pas une excuse. Donc il doit se convertir pour de vrai. Donc il n'y a aucune divergence chez les vrais savants. Il peut y avoir des charlatans, même s'ils sont connus. Il y avait des gens à l'époque du prophète, et ils ont, alayhi salatu wasalam, écrivé la révélation, après ils sont morts mécréants. Donc c'est pas parce qu'il a vu le prophète, il écrivait la révélation, que ça change la vérité. L'oncle du prophète, il a défendu le prophète, mais il est mort mécréant. Donc, la preuve, c'est pas la personnalité, c'est donc les preuves du Coran, du Hadith et selon la raison. Donc, quiconque fait ressembler Dieu à ses créatures, sa foi n'était pas valable et il doit se convertir tout simplement. Se mettre vraiment dans la foi. Et comment ça? En délaissant la mauvaise croyance, en prononçant les deux témoignages. Tout simplement. C'est clair? Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Muhammad Tahir Alameen. اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا واسعا وشفاء كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات